Les gens passent mais ne se parlent plus, l'amitié s'est perdue. On se croise, on se mate mais on veut se donner l'air dur. On se dit bonjour, ça va. En fait on s'en fout, ta réponse j'entends même plus. Et ça c'est de partout, on a tous des regrets. Quels que soient nos parcours, tout est déréglé. On ne sourit qu'une fois par jour. Parfois on répond, je sais. Mais souvent on doute. On n'accepte pas nos torts et on n'assume pas nos fautes. J'ai l'impression qu'on est fier de montrer qu'on est con. Pendant qu'on étale nos richesses, d'autres meurent sous des ponts. Je sais, tu n'es pas atteint car personne fait grève. Arrête de te plaindre. Regarde ce gamin qu'attend une greffe, il a le sourire aux lèvres. Toi tu vas bien et t'as du mal à vivre. Ton égoïsme est la plus grande de tes maladies. On se plaint tant d'avoir si peu, c'est le bonheur qu'on apprécie. Garde un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Chanson speed, marche vite, s'énerve. On ne sait même pas contre qui. Déteste qu'on les contredise, reste fier même contre 10. Moi ce qui m'attriste c'est qu'il n'y a plus vraiment de sentiments. Pas d'amour dans le couple, c'est trop tard quand t'as sentiment. On n'aime plus la personne parce qu'on l'admire, mais son statut social pour conforter notre avenir. Les gens sont avares, l'argent est plus que tabou. Il est même dans un couple, mais sa personne ne l'avoue. On est borné, on n'accepte pas nos torts. Et en plus on se croit fort, mais au fond on est débordé. On est perdu, l'émotion nous percute. L'amitié nous perturbe, pour rien on se perd. On se dit sans rancune, jamais pour des problèmes de thunes. Que reste-t-il de ces enfants que nous fûmes? Nos rêves innovent, je vois que tout s'éclisse. On se rappelle nous jamais. Je garde un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Les couples se font et se défont, les ex pleurent et se défoncent. L'amour s'entasse et se déplace, et ton prénom se remplace. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, où sont passés tous ces... Je t'aime. Avant ses yeux brillaient pour toi, mais aujourd'hui ils s'éteignent. L'amour existe-t-il vraiment? Les gens sont effrayants. Observe autour de toi combien de couples restent confiants. Même entre eux sont méfiants, s'enferment dans une routine. L'amour est épuisant lorsque les regards s'abîment. En fin de compte, on est tous pareils, indécis, fébriles. Malheureusement, on ne voit pas plus loin que notre nombril. Aucun être humain n'est parfait, mais nous on cherche la perfection. Les années vont passer, aurons-nous toujours les mêmes questions? Hein? Dis-moi, est-ce que tu auras les réponses? Est-ce que la solution se cache derrière ce bouquet de ronces? Est-ce que la solution se cache derrière ma triste vision? Garde un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon. Observe et analyse. On est perdu. Que reste-t-il de ces enfants que nous fûmes? Un œil sur le monde, observe et analyse. Les sentiments sont transparents, leur présence paralyse. Un œil sur le monde, ma triste vision. C'est juste une fenêtre sur l'horizon.